marche. J'écoute les cris du silence dans un cimetière fait de place. Je fais partie de ces vieux meubles qui prennent la poussière. Mes chaos, j'apprends à devenir un homme. Deuxième chaos, je frôle la mort. Je me relève avec la rage d'un bonhomme. Mes piliers s'écroulent. Ma vie s'écroule, ma vie je doute. Artiste fou, ma carrière sous une cagoule. Je braque ce titre avec les tripes et la rage. Je vends des charges émotionnelles. Sera pas l'album qui éclate les ventes lucides. J'écris avec des cartouches de sang. Accalmé à jouer dans les couloirs de marteau il y a déjà 10 ans. Merci 13, merci JM. Mon rap a pris du galon, que ferais-je sans? J'aurais pu basculer, merci pour les textes conscients. J'gratte papier, j'rappe le gravier, j'arme le pari, j'rappe, vous le saviez. Mes rimes sont toujours présentes, mélancolique, anonyme, j'ai rien oublié. C'est le 103 vu ma colère dans le sablier. Pourquoi isolé, pourtant j'me bats avec ces hommes de l'ombre. Dis-moi qui oserait éclairer sa part de pénombre. Sortir, on préfère oublier, s'abandonner. Le néant reste un océan à contrôler. Isolé, pourtant j'me bats avec ces hommes de l'ombre. Dis-moi qui oserait éclairer sa part de pénombre. Sortir, on préfère oublier, s'abandonner. Le néant reste un océan à contrôler. J'oublie pas les mains tendues, j'oublie pas ceux qui me l'ont arraché. J'oublie pas les mecs tendus, les coups de crasse qui m'ont enfermé. J'oublie rien, surtout pas cette femme qui s'est battue pour que je mange bien. J'oublie pas ma grande sœur, sa souffrance est la mienne. Même si la vie nous malmène, j'aime la vie tout de même. Considéré comme un enfant turbulent, j'avais les mauvais gènes. Je me suis planté à plusieurs reprises, mauvaise graine. J'ai vu du sang couler en lit, mauvaise peine. Ces temps-ci, je suis bouillant, concentré dans l'arène. Cette arsène, comprenez dans ma tête, ça l'arsène. 2018, nouvel album, symbolique, je remonte sur scène. Nuages valides, je suis dans le ciel. Panel de couleurs, ma moitié, un arc-en-ciel. J'ai fait du chemin pour sortir cet album malgré le potentiel. Je suis marqué à vie, j'ai ma famille, quelques potes au ciel. Marqué à vivre, j'aimerais connaître la douceur d'un bon miel. Isolé, pourtant je me bats avec ces hommes de l'ombre. Dis-moi qui oserait éclairer sa part de pénombre. Sortir, on préfère oublier, s'abandonner. Le néant reste un océan à contrôler. Isolé, pourtant je me bats avec ces hommes de l'ombre. Dis-moi qui oserait éclairer sa part de pénombre. Sortir, on préfère oublier, s'abandonner. Le néant reste un océan à contrôler. J'oublie pas qu'à l'époque je tapais le ballon. À défaut d'avoir des jambes en or, j'avais le bras long. J'aurais pu mourir pour ma mère, pas pour des diablesses au talon. Cette année j'ai trouvé pas mal de réponses à mes questions. J'oublie pas que si la fleur a fané, y'avait des raisons. Admire les beautés de la vie, j'ai pris une option. Question existentielle, serais-je plus heureux avec un million? Chacun ses choix de vie, pas tous les mêmes ambitions. J'oublie pas qu'à chaque Noël, j'suis sous pression. J'suis lucide, mon cœur cultive un goût acide. Ah, c'est manigancé, j'ai le seum. J'trouve la paix sur mes terres ancestrales. Île Bourbon, j'me recueille. J'oublie pas ma case en tôle, on sort de vol, faut remplir le portefeuille. J'oublie pas mon Maloya, ses gars, ses gays. Mon gazon dorique, abri ma salée. Ces choses ont marqué ma vie, l'addition est salée.